إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، se retrouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer l'explication de Juz Tabarak. Et nous sommes toujours, alhamdulillah, à l'explication de Surat al-Ma'arij. Nous avons expliqué jusqu'à le verset numéro 22. Donc on continue, inshallah ta'ala, l'explication de cette noble Surat. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné les mauvaises caractéristiques de l'être humain dans sa nature, comme nous l'avons vu dans le cours précédent, c'est-à-dire que l'homme a été créé instable, faible et impatient, et que lorsqu'un malheur le touche, il ne patiente pas et se met en colère, et désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'un bonheur le touche, ou un bien, il n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais bien au contraire, il devient avare et refuse de donner ce qu'Allah lui a donné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les causes après cela, après ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les causes qui purifient l'homme de ses mauvaises caractéristiques, de ses mauvaises qualités, de ses mauvaises caractéristiques. Comme la prière. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Illa al-musallin »« Illa al-musallin » sauf ceux qui pratiquent la prière. Et comme nous l'avons vu, comme nous l'avons mentionné auparavant, dans les deux causes qui peuvent permettre à l'homme de s'éloigner de ses mauvaises caractéristiques sont la patience, la sabr, et la prière, après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a protégés et leur a facilité les causes et les a guidés vers le bien. Ce sont les prieurs. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés les prieurs. Et il y a certes dans la prière, comme on avons vu, une immense joie et un bonheur constant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans les nobles versets suivants les caractéristiques de ces prières. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Qu'on va expliquer inshallah ta'ala ces nobles versets qu'on vient de lire. Allah subhanahu wa ta'ala il dit الذين هم على صلاتهم دائمون, ceux qui sont assidus à leur prière, c'est-à-dire qu'ils la préservent et qu'ils ne la négligent pas, comme ceux par exemple qui ne font pas la prière, ou ceux qui la font mais de temps en temps, c'est-à-dire ils font la prière et ensuite ils l'arrêtent, wallahu al-musta'an, ou ils la font de façon imparfaite. Mais bien au contraire, ceux qui sont assidus, c'est ceux qui la préservent avec assiduité. Ils font la prière en son heure et en groupe à la mosquée pour les hommes, car c'est une obligation. Ils préservent les piliers de la prière ainsi que les conditions. Ils la préservent dans toute situation, que ce soit dans la santé ou dans la maladie, que ce soit dans la résidence ou dans le voyage, qu'ils soient résidents ou voyageurs. Que ce soit en temps de sécurité ou de peur, ils la préservent. Car la prière nourrit leur âme et leur cœur. La prière est certes la clé du soulagement et elle est la cause de la subsistance et le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé. C'est-à-dire la zakat, l'aumône obligatoire, et celle qui est liée à la prière. Souvent, le mot zakat est lié souvent dans le Coran avec un salat. Et la prière est une adoration corporelle, alors que la zakat est une adoration financière. Comme ils accomplissent le droit d'Allah, ils accomplissent aussi le droit des créatures en leur donnant la zakat qui est bien déterminée. Non seulement, parmi les bonnes caractéristiques des croyants, c'est qu'ils préservent la prière et ils préservent la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, لِسَّائِلِمْ وَالْمَحْرُومِ, pour le mendiant et le déshérité. C'est-à-dire le mendiant, celui qui s'expose aux gens et leur demande. Celui qui demande de l'argent, ce qu'on appelle السائل. Tandis que le déshérité, c'est-à-dire al-mahroum, c'est celui qui ne demande pas aux gens. Il est pauvre, il est dans le besoin, mais lui, on ne fait pas attention à lui. Pourquoi ? Parce qu'il ne demande pas. Il convient donc de s'efforcer à aider cette personne, en lui donnant la zakat et l'aumône. Pourquoi ? Car il est le plus en droit que d'autres. Comme il est venu dans le hadith d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pauvre n'est pas la personne qui tourne auprès des gens et qu'une bouchée ou deux et une date ou deux fait repartir. Ils ont dit, qui est donc le pauvre au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est celui qui ne trouve pas la richesse qui lui suffit, mais on ne fait pas attention à lui. Et ainsi, on ne lui donne pas d'aumône et lui ne demande rien aux gens. Et le hadith est rapporté par Muslim. Voilà le mahroum, ce qu'on appelle le mahroum. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit, toujours en mentionnant les qualités des croyants, des gens pieux, des prieurs, وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, et qui déclarent véridique le jour de la résurrection, c'est-à-dire qui ont la foi au jour du jugement, qui ont la foi en la résurrection et au jour de la rétribution. Ils sont convaincus qu'il se produira inéluctablement. Ils croient fermement en ce jour et se préparent pour ce jour, en s'efforçant à œuvrer pour l'au-delà, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et en ayant peur de son châtiment. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, والذين هم من عذاب ربهم مشفقون, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont peur et ne se sentent pas à l'abri du châtiment. Ils ne se font pas d'éloges, mais bien au contraire, Ils craignent le châtiment de leur Seigneur. C'est pour cela qu'ils s'éloignent de toute cause qui pourrait les rapprocher du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les œuvres, les paroles ou les mauvaises intentions. Malgré leurs bonnes œuvres, ils ont peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne disent pas qu'Allah nous en préserve. Nous avons œuvré. Nous avons fait l'aumône. Nous avons prié, alhamdulillah. Ils se reposent et ils se reposent que sur cela, que sur leurs œuvres, sans avoir peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans avoir peur que leurs œuvres ne sont pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien au contraire, ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, ils pratiquent plutôt la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Fin du verset. Et c'est comme ceci, comme cela doit être le croyant et la croyante. Il œuvre dans le bien, mais il a peur du châtiment de son Seigneur. Le musulman a peur, même s'il fait de bonnes œuvres, même s'il fait beaucoup d'œuvres, il a peur que ce ne soit pas accepté. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » Allah n'accepte que de la part des pieux. Malgré leur obéissance et leurs bonnes œuvres, ils ont peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont peur que leurs œuvres leur soient rejetées. Et c'est pour cela qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ces gens. Amin. Allah a dit ensuite Inna azaba rabbihim ghayru ma'mun. Car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. C'est-à-dire, celui qui se croit en sécurité du châtiment d'Allah et de son stratagème, et qui continue dans l'égarement, celui-là est perdant. Il est parmi les perdants. Car il se repose seulement sur l'espoir et la miséricorde. Il se repose seulement sur l'espoir et la miséricorde. Il n'a pas peur du châtiment et de la punition, wallahu al-musta'an. Celui-là est perdant. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-A'raf, verset 99, أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Fin du verset. Comme il interdit aussi de désespérer. Comme il est interdit à Afwan aussi de désespérer, d'avoir très peur et de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Hijr, verset 56, « قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ » Il dit, « Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés ?» Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans sourate Yusuf, verset 87, « إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ » Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Fin du verset. Le croyant doit être parmi les gens du juste milieu, sans exagérer et sans être laxiste. Il doit être entre la peur et l'espoir. La peur ne doit pas être au-dessus et désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'espoir ne doit pas être au-dessus et se croire à l'abri du châtiment. Mais il doit être entre la peur et l'espoir. Entre la peur et l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et qui se maintiennent dans la chasteté. C'est-à-dire, ils préservent leur chasteté de la fornication, de la corruption et de la débauche. Ils délaissent toute cause, tout moyen qui mène à la fornication et à la débauche. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah nous en préserve. Ils préservent leur chasteté de tout ce qu'Allah a interdit. Ils préservent leur partie intime car c'est un dépôt. Et ce qui fait rentrer les gens le plus en enfer est la bouche et les parties intimes. comme elle est venue dans le hadith d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur ce qui fait rentrer le plus de gens au paradis. Il a répondu la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bon comportement. Et il a été interrogé sur ce qui fait rentrer le plus de gens dans le feu. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam la bouche et la partie intime. Et dans un autre hadith authentique, d'après Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, lui et son père, il relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire la langue, et ce qu'il a entre ses deux jambes, c'est-à-dire la partie intime, je lui garantis le paradis. » Méditez, barakallahu fikum, il est donc obligatoire pour le musulman et la musulmane de se préserver de la débauche et de la turpitude, et de s'éloigner des moyens et des causes qui l'amènent à cela. Il doit s'éloigner du regard vers ce qu'Allah a interdit. Il s'éloigne de la mixité avec les femmes. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا » Et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. C'est-à-dire ici « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا » c'est-à-dire délaissez, écartez-vous des moyens et des causes qui amènent à la fornication. Beaucoup de gens y prennent de l'importance sur le fait de la fornication directement, mais il faut prendre l'importance aussi sur les moyens et les causes qui peuvent t'amener à cela. Wallahu musta'an. Afan Allah. Allah a dit dans un autre verset, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Fin du verset. Et même dans un autre verset, قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ s'adresse aux femmes, car la femme aussi doit préserver sa chasteté de la débauche et de la turpitude. Elle ne doit pas se mélanger aux hommes, ni rester seule avec un homme. Elle ne doit pas être complaisante, afin que celui dont le cœur est malade ne la convoite. Elle doit s'éloigner des moyens qui l'amènent à la fornication, qu'Allah nous en préserve, ou à toute forme de débauche et de turpitude. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, en mentionnant l'exception de la jouissance justement qui est autorisée, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru maloumin. Et non de rapport qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis cet instinct chez l'homme ou ce désir chez l'être humain. Mais cela pour une immense sagesse qui est la perpétuité de l'espèce, du genre humain, de la descendance. Mais ce désir, cet instinct, il doit être utilisé de façon légiférée, afin qu'elle porte ses fruits, et afin que se produise la chasteté, afin que se produise la reproduction et la bonne descendance, afin que chacun des deux époux baisse le regard, contrairement à la fornication qu'Allah nous en préserve, et à ce qui peut amener à cela. Car c'est certes un fléau, qui est dangereux et un mal désastreux, Wallahu al-Musta'an, qui implique la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et les maladies destructives qui détruisent la descendance et la moralité de l'être humain, Wallahu al-Musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit dans la suite, فَمَنِ بَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ. Mais ceux qui cherchent leur plaisir, c'est-à-dire en dehors de cela, ce sont des transgresseurs. C'est-à-dire ceux qui cherchent leur plaisir en dehors des épouses ou des esclaves qu'ils possèdent sont des transgresseurs. Ils ont certes dépassé les limites et transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont délaissé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé pour s'en aller vers ce qu'il a interdit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Et qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leur engagement scrupuleusement. Et le dépôt, donc les dépôts ici, c'est ce qui est confié à l'homme, hein, ce qu'on lui a demandé de préserver, comme les engagements. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. Certes, Allah vous commande, vous ordonne de rendre les dépôts à leur ayant droit. Le dépôt est donc tout ce qui est confié à l'homme. Donc la fin du verset, c'est hein, certes, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leur ayant droit. Fin du verset. Donc le dépôt ici, c'est tout ce qui est confié à l'homme. Que ce soit les obligations religieuses, car les obligations religieuses sont un dépôt entre toi et ton Seigneur. Tu dois les préserver et ne pas être négligent envers ce dépôt, qui sont les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont aussi un dépôt. Tu dois t'en éloigner et t'en écarter. Donc les dépôts sont entre les serviteurs et son Seigneur. Et ce sont les dépôts les plus importants et les plus grands. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans un autre verset, Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité, c'est-à-dire de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé. Fin du verset. Donc dans ce verset-là, al-amanat, c'est-à-dire les dépôts ici, ils ont le sens des, c'est-à-dire des prescriptions religieuses, des obligations religieuses, qui sont les dépôts entre le serviteur et son seigneur. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne donc de préserver les dépôts et les engagements. Comme là, par exemple, les ablutions. Les ablutions est un dépôt. Comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne est un dépôt, la prière est un dépôt. Toutes les obligations religieuses sont un dépôt. L'éloignement des interdits sont un dépôt. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'observe et t'interrogera sur cela. Il y a aussi les dépôts entre toi et entre les gens. Lorsqu'il te confie par exemple des biens ou de l'argent, tu dois les préserver. Tu dois accomplir cet engagement et ce dépôt. Et tu ne dois pas transgresser et être négligent envers cela. Ainsi que les secrets qu'on te confie. Les secrets qu'on te confie, tu ne dois pas en informer, tu ne dois pas les divulguer. Il est obligatoire de préserver les secrets qui te sont confiés et ne de pas les divulguer car ça porte préjudice envers les gens. Ainsi que tout engagement, comme le travail, l'emploi que tu as, tu dois te préserver cet engagement. Et d'autres parmi les dépôts et les engagements. Donc, al-amanat, les dépôts, hein, c'est général. Ce qu'il y a entre Allah subhanahu wa ta'ala et le serviteur, et ce qu'il y a entre le serviteur et la créature. Il est obligatoire de préserver ce dépôt et cet engagement. Chacun selon sa possibilité. Donc le musulman, le musulman et la musulmane, le croyant et la croyante doit préserver ces choses qui sont très importantes. Les dépôts et les engagements. Ainsi que les accords que tu as avec les gens. Les musulmans entre eux et même entre les musulmans et les mécréants. Tu te dois de préserver les engagements que tu as. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans sourate Al-Ma'arij. Il continue à citer et à mentionner les caractéristiques des gens pieux et des serviteurs, de ses serviteurs. Allah, il dit, وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Et qui témoignent de la stricte vérité. C'est-à-dire ceux qui sont véridiques dans leur témoignage. Et qui ne témoignent que de ce qu'ils connaissent, sans ajouter quelque chose, sans diminuer et sans cacher. Sans faire de complaisance envers un proche ou un ami. Mais ils ne recherchent à travers cela que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est sincère dans son témoignage, il est véridique. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimu ash-shahadata lillah, et acquittez-vous du témoignage envers Allah seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin bilqist shuhada'a lillah walau 'ala anfusikum aw alwalidayn wal aqrabin. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins, c'est-à-dire des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à décrire les caractéristiques des gens pieux, de ses serviteurs, il dit « وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ » et qui sont réguliers dans leur salat, dans leur prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait déjà mentionné cette caractéristique. Hein, les prieurs, quand il avait dit « Illa al-musallin »« Alladhina hum ala salatihim da'imun » Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne encore une fois pour montrer la grandeur et l'importance de cela, qui sont réguliers dans leur prière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a terminé de mentionner justement ces caractéristiques. Par quoi ? Par la prière. En raison de son importance et de sa grandeur. Donc la prière en premier et la prière en dernier. Il préserve la prière à ses heures, aux heures de prière. Il la préserve pour les hommes en faisant la prière en groupe, dans les mosquées. Il préserve les conditions de la prière, les obligations, les piliers. Donc la prière n'est pas seulement le fait de faire des gestes et de dire des paroles, mais tu dois préserver la prière de tout manquement et de toute annulation. Car la chose qui est demandée, c'est de faire la prière correctement, qu'elle soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'elle soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois préserver ses piliers, ses conditions, ses obligations. Et pour cela, tu te dois d'apprendre. C'est pour ça que la science est importante. La science est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Surtout ces choses-là. Hein, apprendre quels sont les piliers de la prière, les obligations, les conditions. Pour pouvoir être parmi ces gens pieux. Ceux qui préservent la prière. Ceux qui sont réguliers dans leur salat. Ceux qui font la prière d'une façon légiférée. Ce n'est pas comme font certaines personnes, qu'Allah nous guide et les guide. Ils restent la nuit, ils restent éveillés la nuit, et toute la journée ils dorment, ou ils travaillent, etc. Et tu les vois à la fin de la journée ou le soir, ils rattrapent toutes leurs prières. Le Fajr, le Zohr, le Asr, le Maghreb et l'Isha. Ils font tout en même temps, Wallahu Musta'an. Ça, c'est une grande erreur. Cela n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire de préserver la prière en son heure, en groupe pour les hommes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de faire la prière correctement. Et pas comme ta propre personne le veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, « Ulaika fi jannatin mukramun » ceux-là seront honorés dans des jardins. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à la fin la rétribution, la récompense de ces gens pieux, de toutes les caractéristiques qu'on a citées. Il mentionne ici la rétribution qui sont les jardins du paradis, qui sont les jardins du paradis. Naam, on continuera inshallah ta'ala à l'explication de cette noble sourate la semaine prochaine. Barakallahu fikum wa jazakum khayran. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.